extrême, je vous dirais. C'est du fait divers extrême. On y va. On va commencer avec ça. On va commencer raide, puis on finira un petit peu plus doux. Je vous parle de nouvelles que hier, j'ai laissé passer parce qu'on, par manque de temps. Je vous parle d'une veuve noire qui aurait fait 6 victimes au Japon. Et là, on vous parle pas d'araignée. Vous allez bien comprendre. C'est une Japonaise de 68 ans qui est soupçonnée d'avoir éliminé 6 de ses compagnons pour faire main basse sur leur fortune. Donc, Chisako Kakehi a été arrêtée le 19 novembre dernier, aurait administré du cyanure à son quatrième et dernier époux, Isao Kaiki, en décembre 2013. Selon des enquêteurs qui ont retrouvé les traces de ce virulent poison à son domicile à Kyoto, et ça a été rapporté dans la presse locale. Au fil du temps et des décès de ses partenaires, cette veuve noire présumée, qui nie farouchement être pour quoi que ce soit dans leur destin funeste, a hérité d'un total d'1 milliard de yens en assurance vie, en bien immobilier et en dépôt bancaire. Elle avait cependant perdu une grande partie de sa fortune après des placements financiers douteux et était endettée jusqu'au cou au moment de convoler avec le malheureux Isao Kakei. Selon la police, il ne serait pas le seul à avoir succombé au projet diabolique de cette suspecte. Le décès en 2012 de Masanori Honda, 71 ans, fait notamment l'objet d'investigations. L'autopsie a révélé la présence de poison dans son sang. Depuis la mort de son premier conjoint en 1994, suite d'une maladie, elle aurait eu des relations avec une dizaine d'hommes, dont 6 sont passés de vie à trépas. Elle s'est mariée avec 4 d'entre eux et faisait leur connaissance via des agences matrimoniales qui lui présentaient à sa demande des hommes âgés, fortunés, sans enfants et vivant seuls. Elle cherchait le mouton. Chisako Kaigi clame haut et fort son innocence. « Je veux savoir pourquoi toutes ces choses sont arrivées », a-t-elle dit à des journalistes plusieurs mois avant son arrestation. « Que ce soit bien clair, je ne suis pas le type de femme qui cherche à tout prix à se marier. J'ai simplement rencontré des hommes qui en exprimaient le vif désir. » C'est drôle, mais j'y fais pas confiance. J'y ferais même pas garder une vieille couche. Quand les policiers prennent les gendarmes pour des voleurs. Donc, en surveillance le 3 décembre pour une affaire de vol à main armée dans un quartier réputé sensible de Lyon, en France, situé en zone police, les militaires qui portaient des cagoules ont éveillé les soupçons pour le voisinage. Le voisinage a alors alerté les services de police qui n'étaient pas au courant de l'opération des gendarmes. Dépêchée sur place, une équipe de brigade anticriminelle du BAC a procédé à l'interpellation de l'un des militaire pris pour un malfrat avant que l'officier de la gendarmerie en charge du dispositif ne vienne mettre fin à la méprise. L'incident clos, les militaires ont finalement pu procéder à l'interpellation de l'équipe de braqueurs. Sinon, macabre découverte, je pense qu'on va laisser faire, on n'a pas besoin de ce genre de nouvelles. Un cartel de revendeurs de serrures démantelées. La commission de la concurrence a découvert un cartel dur de revendeurs de poignées, de serrures et de charnières de portes. Assez particulier. 5 entreprises du secteur écopent d'une amende totale de 185 000 francs suisses pour avoir conclu un accord illicite. Les 5 revendeurs de ferrement pour portes se sont rencontrés donc annuellement entre 2002 et 2007 pour fixer les marges minimales à respecter lors de la revente de produits en grande quantité à des fabricants de portes comme des menuisiers. C'est ce qu'a indiqué mardi 9 décembre à Comco dans un communiqué. Une 6e entreprise a participé à la rencontre annuelle. Un tel accord sur les prix constitue un cartel dit dur. Selon le gendarme de la concurrence, les 5 entreprises sanctionnées, là je les nommerai pas, on s'en fout, les revendeurs sanctionnés peuvent recourir au tribunal administratif fédéral. La procédure contre le fabricant des produits incriminés, la société Glutz, a été classée par la Comco et n'a pu prouver aucune infraction à la loi sur les cartels, elle, à son égard. C'est pas les manufacturiers, c'était les revendeurs. Et ça, il y a des cartels comme ça. Regardez juste dans l'essence, il y a des cartels. Là. C'est eux qui maintiennent les prix aussi hauts. Parce que là, les gens disent « Ben non, il n'est pas si haut, il est à 1,16, 1,17. » Hey, le baril est à 60$. Fait que j'espère qu'il baisse un peu. Mais c'est un cartel de maintenir comme ça un prix ridicule. Mais en tout cas, on s'en va ici plutôt en technologie. Je vous montre comment, une vidéo vous montre plutôt comment imprimer une maison en 3D. Une présentatrice française est allée sur un chantier directement. Alors, comment imprime-t-on une maison en 3D? Eh bien, le développement de l'impression 3D ces derniers mois s'est accompagné d'annonces et d'expériences délirantes dans le monde de l'architecture. Dans ce contexte, que la présentatrice de France 5, Agathe Le Caron, s'est rendue aux Pays-Bas pour voir à quoi ressemble vraiment l'impression d'une maison en trois dimensions. Donc, la vidéo, qui est disponible via la page Facebook du Dîner de Con, eh bien, est extraite de sa nouvelle série documentaire « La vie rêvée de Gaspard » et montre le chantier d'une maison écologique à Amsterdam. Les éléments du bâtiment en plastique biologique sont créés par une imprimante 3D qui tient dans un conteneur de 6 mètres. Quand même, l'extrait revient également sur l'incroyable Contour Crafting, une machine capable de construire une maison en béton de 225 mètres carrés en seulement 24 heures. Ces images seront diffusées ce vendredi 12 décembre sur France 5. Pour la diffusion du second épisode, La vie rêvée de Gaspard, maman depuis peu, Agathe Le Caron, s'y demande à quoi ressemblerait la société dans laquelle vivra son fils, Gaspard. C'est l'occasion, de faire le point sur les innovations qui feront partie de son quotidien en 2050. Du domaine de la robotique à celui de l'alimentation en passant par le logement, France 5 propose d'ailleurs aux téléspectateurs de poser les mêmes questions que sa présentatrice devant le programme diffusé vendredi. Les internautes peuvent y répondre à un questionnaire pour définir comment ils appréhendent le futur. Vraiment extraordinaire, j'aime ça. Vraiment très, très bien. Et là, intéressant, on a mis à la suite de l'article un diaporama d'objets réalisés à l'aide d'une imprimante 3D et sérieusement, c'est magnifique et vraiment improbable. Les structures sont vraiment de nouvelles formes qu'on ne pouvait manufacturer à l'époque. Alors ça, c'est en tout cas, on peut toujours, là, mais c'est vraiment d'un détail très, très fin et c'est d'une réalisation, ma foi, presque parfaite. On aime ça. L'architecture est vraiment toujours de plus en plus extraordinaire et avec l'avènement de ces imprimantes 3D, la limite devient simplement l'imagination. À Cuba, ici, le fils du Che vend des circuits à moto pour les touristes. Eh bien oui, le fils cadet du guérilleros argentino-cubain Ernesto Che Guevara a ouvert une agence de voyage à Cuba proposant à ses clients des voyages à travers l'île communiste à moto perpétuant la passion de son père pour les deux roues. L'agence baptisée le Ponderosa Tour, Ponderosa c'est un restaurant ici avant... pas loin du végétarien. Dans le fond, c'était la bâtisse de la librairie Morin qui a fermé, je pense. Là. En tout cas, c'était un Ponderosa. Il y a eu un Red Lobster aussi. Hein? En tout cas, ça ne nous rajeunit pas. Offre depuis peu des circuits parcourus au guidon de Harley Davidson, mariant le délice de la variété des paysages de cette belle île des Caraïbes et un contact intime avec une partie de l'histoire de la Révolution unique, signale son portail Internet. De 6 ou 9 jours, ces tours inclus... Tout inclus, peuvent également être modulables à la demande des clients. Maintenant âgé de 49 ans, Ernesto Guevara est le plus jeune des 5 enfants du célèbre médecin guerriero. Avocat de profession, il est à la tête de la filiale Voyage de l'entreprise publique La Ponderosa, inspiré du surnom qu'avait donné le Che à la moto britannique Norton 500 sur laquelle il avait parcouru une bonne partie de l'Amérique du Sud entre décembre 1951 et juillet 1952. Ce périple déterminant dans sa prise de conscience de révolutionnaire a été immortalisé au cinéma par le Brésilien Walter Salles et le film Carnet de voyage en 2004. L'équipe de guide du Ponderosa Tour compte également dans ses rangs Camilo Sanchez, fils du combattant cubain Antonio Sanchez Diaz, dit Marcos, compagnon de la dernière heure qui fut tué lors de la campagne bolivienne et également fatale à l'Argentin en 1967. Parmi les étapes incontournables des circuits proposés figurent notamment la forteresse coloniale de la Cabana à la Havane, prise par le Che aux premières heures de la Révolution en début 59, et Santa Clara, cette ville conquise par le guerriero en décembre 58, qui abrite aujourd'hui le mausolée où repose sa dépouille. Vraiment, wow! Ça donne le goût. Il fallait bien que je vous parle d'aller faire des petites vacances à Cuba. Il y en a plein qui vont aller les faire pendant le temps des fêtes et bande de chanceux. Ici, la naissance d'un rhinocéros blanc dans un zoo de Moselle. Le zoo d'Amnéville, à Moselle, a célébré la naissance le 1er décembre dernier d'un rhinocéros blanc, une naissance exceptionnelle qui fait la joie des soigneurs qui ont veillé toute la nuit pour épauler la maman. Le bébé, un mâle d'une quarantaine de kilos, a été baptisé Shango et se porte très bien. La mère Hika et le père Benny sont arrivés en Moselle en 2012 et eux, ils étaient nés en Afrique du Sud. Ces imposants mammifères sont protégés car décimés par des braconniers pour les pseudo-vertus médicinales attribuées à leurs cornes, des parties de leur corps très prisées dans la pharmacopée asiatique, d'une couleur qui donne dans le gris et le brun. En réalité, la désignation du rhinocéros blanc vient de l'afrikaner wijd, qui veut dire large, en raison de leur bouche plus large que les autres. Rhinocéros, le terme a ensuite été faussement traduit en anglais white. Blanc et non wide. Hein? OK, on comprend. Donc, il n'est pas vraiment blanc. C'est ça qu'on comprend, là. Il est plutôt gris-brun. OK, en tout cas. Et moi, j'en fais une nouvelle. Là. Ici, hein, on en fait des nouvelles avec n'importe quoi. C'est pas mal le but du dîner de con. Je vous parle des selfies sexy de Karen Danzok. En tout cas, je sais pas trop, là, mon italien est mauvais. C'est une Britannique, mais c'est pas un nom britannique. En tout cas, elle est conseillère municipale britannique et la femme d'un député britannique. Donc, elle vend ses selfies sexy sur eBay. Vraiment particulier, hein? Donc, pour 12 euros, les Britanniques peuvent s'offrir un beau selfie sexy dédicacé sur eBay. Cette vente en ligne pourrait sembler banale, sauf que sur les photos, c'est une femme politique, épouse d'un député du Parti travailliste qui exhibe son décolleté plongeant. Les autoportraits en question sont ceux de Karen Danzok, conseillère municipale de la ville de Rochdale et épouse du député du Parti travailliste Simon Danzok. À 31 ans, cette femme politique, mère de deux enfants, publie régulièrement des photos d'elle sur son compte Twitter. Des images à prise à bord faites à la salle de sport, détaillant les transformations de son corps ou ses tenues et ses mises en beauté lorsque la conseillère se prépare à sortir. OK, là, elle nous montre toute sa vie, finalement. Hein? On aime ça. Mais pas tant que ça. Non, mais pour vrai, pas qu'elle l'aide, là, mais c'est du n'importe quoi. Les Britanniques connaissent déjà les selfies de la conseillère. Ces dernières années, la jeune femme avait fait sa marque de fabrique sur les réseaux sociaux et compte aujourd'hui plus de 28 000 abonnés sur son compte Twitter. Une craque de boule, ça l'amène des abonnés sur Twitter, c'est clair. Mais l'affaire des selfies de Karen Danzok a pris une nouvelle dimension ce 9 décembre dernier lorsque la conseillère a décidé de mettre en vente ses photos sur eBay. « Vous voulez une photo de moi signée et parfumée? » a tweeté la jeune femme avec son lien d'annonce. Eh bien, c'est disponible. La photo en question, vendue pour 10 livres, soit un peu plus de 12 euros, montre Karen Danzok en maillot de bain, lunettes soleil sur le nez. Des photos personnalisées et signées par la charmante dame indiquent la description du produit. « Elles sont aspergées de mon parfum préféré », ajoute la vendeuse qui précise expédier elle-même les clichés. Hein? Comme l'indique le compteur sur cette page eBay, 79 selfies ont déjà été achetées. Karen Danzok n'a pas précisé ce qu'elle ferait avec l'argent. Sa vente lui a en tout cas permis de faire à nouveau parler d'elle dans les médias britanniques. Et c'est drôle. En tout cas, vous allez voir la suite. Celle qui réclame l'égalité homme-femme dans la description de son compte Twitter est d'ailleurs régulièrement accusée de tenir l'image de femme en politique, de ternir l'image des femmes en politique, de ne pas prendre ses responsabilités de conseillère au sérieux ou encore de freiner l'évolution de son mari au sein du même parti travailliste. Karen Danzok semble se moquer des critiques et répond qu'elle est aussi une businesswoman. Depuis la mise en vente de ses photos, la Britannique se réjouit d'avoir son nombre de fans gonflé autant que son soutien-gorge. Elle a d'ailleurs retweeté avec fierté l'apparition d'un compte fan club à son nom qui affiche son décolleté en photo de profil. Hein, tu sais, quand t'es représenté par une paire de boules, c'est comme ça que les gens te reconnaissent. Ah oui, la fille qui monte sa craque tout le temps. Les époux, donc son époux, le député Simon Danzok, semble lui aussi très heureux de la création d'un fan club dédié au sein de sa femme. Et là, il dit, j'ai une question pour vous, quelle a été... Attends un peu. J'ai une question pour vous. Quelqu'un a créé un fan club Twitter pour soutenir mon adorable épouse. Est-ce que je devrais m'abonner au compte? C'est amusé à nous dire sur Twitter le parlementaire. Et si cette dame vous pose beaucoup de mystères et que vous avez le goût de voir sa craque de sein, eh bien, rendez-vous directement sur la page Facebook du Dîner de cons et allez-y. Et je vois que son mari, c'est clair qu'il est content parce que c'est un monsieur qui a vraiment l'air d'un monsieur assez straight et assez plate et assez vieux pour être avec une charmante jeune femme aussi sexy. Et j'ai rien contre les écarts d'âge, c'est pas ça du tout, mais c'est pour ça que le monsieur, disons qu'il s'en plaint pas. C'est ce que je cherchais. Et puis tiens, restons dans le même domaine. Question sexy. Ça se passe en Belgique cette fois-ci. Un détenu est choqué par les tenues de la directrice et lance une pétition. Quand même, hein? Donc, un détenu de la prison de Bruges, choqué par les tenues de la directrice, a lancé une pétition contre ce qu'il définit comme une excitation malsaine. Donc, Paul, qui est un prénom d'emprunt, tout simplement, ne se remet pas de sa rencontre avec la directrice section Manen 2 pour les détenus condamnés à une peine inférieure de 5 ans de la prison de Bruges. Ce prisonnier condamné à 50... condamné à 54 fois 8 jours de prison, eh bien, il reproche à la directrice des tenues jugées trop osées par lui-même. Selon le détenu, la femme portait un décolleté totalement inapproprié dans le cadre d'une cohabitation quotidienne avec des prisonniers. J'ai été rencontrer la directrice et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa tenue était à la limite de l'indécence. J'avais du mal à la regarder dans les yeux alors que je suis moi-même homosexuel. Donc, gay et pas puritain, et l'homme ne se définit pas pourtant comme un puritain. Dans n'importe quel autre endroit, je n'aurais évidemment pas relevé ce détail, mais il s'agit ici d'une directrice de prison qui fait de la provocation malsaine, précise-t-il. Ben, je peux comprendre, puis c'est peut-être pas complètement niaiseux, son point de vue quand même. Selon lui, la directrice usait de ses charmes volontairement. J'avoue qu'elle a une très belle poitrine, mais qu'elle l'exposait à 15 cm de mes yeux. Et pour une directrice de prison, c'est tout simplement inacceptable. Peut-être que justement, la directrice de prison, c'est son buzz, hein? Une pétition anti-décolleté pour Paul. Cette aptitude est inacceptable dans le cadre où les détenus n'ont pas une vie sexuelle épanouie du fait de leur enfermement. Il a lancé cette pétition pour dénoncer ce manque de respect vis-à-vis les détenus. Selon moi, elle devrait être tenue de s'habiller plus correctement, comme tous les gardiens de prison. Ou gardienne de prison, vous imaginez si elle se trimballait dans les couloirs en mini-jupe, poursuit Paul. Hein? La Gazette explique avoir voulu rejoindre la directrice incriminée, mais cette dernière reste injoignable. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Dans les coulisses de la lutte, tout de suite. Dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béhoud. Bonjour à toi. Hey, aïe, aïe, allô. Aïe, aïe, aïe. OK. Hey, let's go. C'est complètement buzzant. C'est ça, oui. Avant toute chose, Gabriel Béhoud, on doit rejoindre notre chroniqueur sur le terrain qui porte aussi le nom de Gabriel Béhoud, mais qui n'est pas le même Gabriel Béhoud. Non, c'est le B qui change. C'est le B qui change tout, en fait. Ah oui. C'est... C'est un bain minuscule, celui-là. Ah, OK, c'est ouais, ça, la subtilité. C'est juste un bain minuscule. OK, voici lundi soir le matin. Allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors bonjour, mon nom est Gabriel Béhoud, je suis le reporter pour les matchs de la Luitre qui sont disputés à la Chasse-Galerie des lundis soirs. Le match de ce lundi 8 décembre, le dernier de la

Le Couleur et Concerto Rock à Assemblage Requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et je suis là aussi pour vous offrir des idées cadeaux. Ben oui, il y en a plein, vraiment. Et là, je vous offre, hein, parce que je le sais, votre copain a sûrement une barbe, comme tous les autres gars de, âgés entre 18 et 25 ans. Eh bien, je vous offre de lui acheter des boules de Noël à barbe. Eh bien oui, c'est deux créateurs anglais qui ont eu l'idée de concevoir des boules de Noël pour barbe. Le concept, pour le moins farfelu, a été imaginé par Mike Kennedy et Pauline Ashford de l'agence Grey London. Alors, pour 8 euros... pour une dizaine de dollars, donc, vous pouvez vous procurer ce sachet contenant 14 boules et en vous rendant sur un site Internet que je vous ai mis le lien via la page Facebook du Dîner de con. Tous les profits de vente seront versés à l'association australienne Beard Season qui se consacre à la sensibilisation du cancer de la peau. Hein? C'est-tu pas assez swag, comme on dit? C'est à la mode de dire ça. L'armée américaine qui teste sa nouvelle arme laser baptisée Law. Hein? Ça fait la loi. Donc, le mois dernier, l'US Navy a fait une démonstration de son système d'armes laser, le LAW, qui s'appelle, l'acronyme de Laser Weapon System, à bord de son navire de guerre, le USS Ponce. Plusieurs tests ont été effectués en conditions réelles. Ce rayon laser ultra puissant est capable de détruire de nombreuses cibles en toute discrétion, puisqu'il est invisible à l'œil nu. Autre avantage, un tir laser coûte beaucoup moins cher hein, que les missiles. Un tir laser coûte environ 1 euro, un tir laser, tandis que les missiles, eux, coûtent plusieurs milliers d'euros par missile. Actuellement en phase de test, cette nouvelle arme n'est pas encore très fiable. 41% des tirs échouent. Mais j'ai lu quelque part, et je pensais qu'on en parlerait ici dans l'article, mais j'ai lu qu'on a réussi à descendre un drone avec ce laser. Hein? Eh bien oui, on est dans la science-fiction déjà. Au Brésil, eh bien, un animateur en télé qui prend en feu. Ben oui, ça s'est passé mardi dernier lors d'une émission pour enfants. L'animateur Luis Ricardo a pris en feu voulant réaliser un petit numéro. Donc, au moment de cracher le liquide inflammable sur les deux torches, une petite quantité est tombée sur son visage. En quelques secondes, l'animateur s'est transformé en torche humaine. Transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger, mais peut-être son brushing, hein? C'est possible. Ici, vraiment hallucinant, il obtient son permis de conduire au bout de la 70e tentative. Peut-être qu'il n'est pas dû pour chauffer une voiture, cet homme. Hein? Il s'appelle Marc Martin, mais M-A-R-T-A-I-N, 47 ans. Il vient enfin d'obtenir son permis de conduire après 69 tentatives infructueuses. Ce fermier belge a réussi son permis de pratique mardi dernier au centre de Wavelgem. Comme l'explique le quotidien, la Meuse Marc Martin a mis plus de 10 ans pour obtenir le précieux sésame. L'homme a en effet manqué le permis théorique à 67 reprises avant de se louper deux fois à l'examen pratique. Et je le cite, « Quand l'examinateur m'a dit que j'avais réussi, je n'en crus pas mes oreilles. Avec un tel total, je dois être le recordman du genre en Belgique. Il m'a juste mis un insuffisant pour mes démarrages et c'est vrai que j'ai quelques problèmes à ce niveau. » Il a l'air bourré, carrément bourré comme un petit loup, hein? Et c'est donc, mais on devrait dire beurré comme un petit loup, mais en tout cas. C'est donc avec une grande fierté que cet habitant originaire de Zilelbeke est allé récupérer son permis mercredi dernier et tout ça à l'administration communale de sa ville. Mais moi, je m'en ai dit, et tout ça, j'espère qu'il est allé en voiture, mais moi, en tout cas, je sais pas, j'aimerais mieux pas être sur la route quand il chauffe, parce que quand même s'il a réussi... Vous voyez qu'il y a de la difficulté à comprendre hein, le fonctionnement des lois routières. Sinon ici, pourquoi les pompons ornent-ils les bérets des marins? Hein? C'est pas partout, c'est pas dans chaque armée, mais souvent on voit ça. Et entre autres, les marins français, hein, les gars de la marine, l'abordent fièrement ce pompon. Eh bien, c'est une particularité bien connue de leur uniforme et le pompon date du 19e siècle. À l'époque, le béret des marins, appelé le bachi, était tricoté d'une seule pièce. Lors de la confection, il restait bien souvent un seul fil de laine au sommet du chapeau. Créer un pompon était donc une façon de terminer l'ouvrage. Cette couleur rouge était outre bien visible si le marin venait à tomber à la mer. Enfin, cette houlette avait un autre avantage, protéger le crâne des marins qui risquaient de se cogner dans les coursives étroites et les bas plafonds des navires de guerre. Si ce n'est plus le cas aujourd'hui, le pompon répond à des normes très précises. 8 cm de diamètre, 25 mm de hauteur, 14,1 g et toujours cette couleur rouge garasse. Ou garance, pardon. Excusez. Garasse, non, garance, Danny. On dit ça comme ça. Et maintenant, ici, je vous envoie le top 10 des animaux qui vivent le plus longtemps. Ben oui, ça va être vraiment bien intéressant ici. On commence. Une orque aurait vécu jusqu'à l'âge de 103 ans. Les killer whales, on y va. Sinon, une baleine bleue tutoie facilement les 110 ans. Quand même, hein, c'est assez respectable. En atteignant l'âge de 122 ans, Jeanne Calment a permis à l'homme d'intégrer ce top 10. Donc, 122 ans pour une femme. Mais ça, c'est toujours sans compter ces Asiatiques ou ces Indiens là, de l'Inde directement qui des fois nous disent qu'ils ont 300 ans et se nourrissent d'un grain de gazon par semaine. C'est à savoir, hein? Est-ce que c'est vrai? Sinon, ici, il y a l'esturgeon, vraiment un poisson en plus, qui peuple nos rivières, nos lacs. Pas nos lacs, mais nos rivières. Peut-être dans certains lacs, mais d'habitude, c'est plutôt dans les rivières qu'on retrouve. L'esturgeon pourrait vivre, lui, jusqu'à 125 ans. Quand même respectable. On a le homard qui peut prétendre à l'âge de 140 ans. Ça doit être assez gros, un homard de 140 ans. Il y a de la place pour faire un buffet autour. Une anguille est vieille de jusque la plus vieille anguille qu'on a pêchée aurait été pêchée en 2014. Elle avait 155 ans. Imaginez, c'est hallucinant quand même. Moi, je pensais que les baleines, genre, c'était à peu près les plus vieilles. Il y avait les tortues, il y a quoi. En tout cas, mais je pensais pas les anguilles ou les esturgeons. Vraiment, on me sidère en ce moment. Une tortue géante des Seychelles aurait, elle, atteint l'âge vénérable de 250 ans. Je trouve ça hallucinant, sérieusement. Une palourde de l'espèce Artica islandica serait morte, elle, la palourde, à 507 ans. 507 ans pour une palourde, imaginez. L'éponge géante baptisée le Barry de Rome peut vivre jusqu'à 2300 ans sur notre planète. Hein, c'est des animaux, ça. Une éponge géante, c'est un animal qui ressemble beaucoup à une structure hein, aussi. Sinon, une méduse Turritopsis nutricula. Eh bien, difficile de rivaliser avec cette méduse. Donc, la méduse Turritopsis nutricula serait immortelle grâce à ses facultés régénératives. Donc, elle peut vivre indéfiniment. Hallucinant, allons l'étudier, cette méduse, parce qu'on veut connaître ses secrets. Vraiment. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. On est là pour se faire plaisir. Ouais. Et cuisiner tous ensemble. Oui. Voici Master Steph. Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Hey, on attend rien que ça tout le temps. Ah, je suis très enthousiaste. C'est encore, bien entendu, la thématique des fêtes. On est le mois de décembre, on en profite. On fait des choses festives. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai préparé? Ce sont des boules de neige popcorn. Hein? Ben, en fait, c'est comme le nom d'origine, mais ça ressemble pas à ça du tout. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je vais vous présenter les ingrédients et la préparation.

OK, la musique est mauvaise, mais le pire, c'est le vidéo. Si vous voyez le vidéo, c'est qu'au début, ça a commencé avec des gens, un banc de dauphins qui nageaient en plein océan. Et puis là, lui, il arrive assis sur son dauphin en plastique avec une chicks blonde en avant, une autre chicks blonde en arrière. Et puis, sérieux, les filles ont vraiment l'impression de se faire fourrer carrément sur le dauphin. Et c'est vraiment mal incrusté dans l'image. C'est cheap, mais cheap. Le mot cheap est pas assez cheap pour être utilisé dans ce cas. Et on voit qu'il aime la grosse techno vide. Hein? Mais tu sais, on peut pas y en demander trop avec son emploi habituel. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est notre ami s'appelle Alexander Pistoletov. C'est génial, un succès assuré pour le temps des fêtes. Après, Gangnam Style, pourquoi pas. Sinon, ici en Espagne, c'est des gens qui braquent une librairie et repartent pas avec de l'argent, non, ils repartent avec des livres. C'est dans le centre de Barcelone, en Espagne, que des braqueurs ont utilisé une voiture bélier pour défoncer la vitrine d'une librairie. À la fois à l'intérieur, eh bien, ils ont rempli leur sac de livres avant de prendre la fuite. La scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance du magasin par un habitant du quartier. On se demande s'il ne s'agit pas d'un fake, mais bon, on se demande toujours qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas cherché. Et puis la place a l'air, tu sais, ça a l'air presque en ruine. Mais je dirais que c'est peut-être un endroit vraiment historique ou encore peut-être que c'est des livres qui valent une valeur inestimable justement par l'âge qu'ils ont ces documents. Mais en tout cas, vous irez voir ça en vidéo. C'est assez particulier. Sinon, eh bien, je vous présente ici les jouets qui risquent la rupture de stock. Si vous n'avez pas encore fait vos achats là, pour les enfants, là, ben, dépêchez-vous parce que c'est les cossins en plastique qui vont absolument vouloir. Le numéro 10, eh bien, c'est la fée volante. C'est un jouet événement du Noël dernier. Mais oui, cette année, ça marche encore parce que l'année passée, la petite fée, elle l'a pas eu, sa maudite fée volante. Fait que là, aujourd'hui, ça te la prend. Donc, la fée volante est toujours dans les esprits et continue de faire rêver. C'est classé 10e jouet les plus demandés par les enfants l'année dernière. Elle pourrait néanmoins se faire voler la vedette par des sirènes magiques cette année, peut-être. Vous irez voir. Mais en tout cas, c'est une genre de fée Barbie dans un bocal d'eau. Mais en tout cas, guys, c'est pas destiné nécessairement à moi. Ça, je peux comprendre. Numéro 9, les cartes Pokémon. Plus qu'un effet de mode. Moi, je pensais vraiment, quand mon gars trippait Pokémon, qu'après 3 ans, on n'en parlerait plus. Il est rendu à 16 ans, puis les jeunes en veulent encore. Donc, Pokémon, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Cette franchise continue d'avoir des adeptes. Cette année encore, les fameuses cartes Pokémon devraient remplir plusieurs bas de Noël. Dépêchez-vous, mais je pense que ça, il doit en rester à quelque part. Sinon, numéro 9, les pistolets Nerf. Ben, ça, c'est toujours un classique. Hein? On a toujours aimé jouer au gun quand on était jeune. Et puis, avant, on faisait juste pow-pow. À cette heure, on peut vraiment tirer des gugus sur nos amis, sur nos frères, nos sœurs. C'est génial. Les jeux d'action ont le vent en poupe. Nerf, le champion du genre, a sorti un véritable arsenal pour les garçonnets. Ça, je trouve ça un peu poche, là, qu'ils disent garçonnets, surtout de nos jours. Hein, on veut pas, ils chiolent parce que l'ego est en train de cloisonner les gars, les filles. Et en plus, je veux rien dire, mais le kit qu'on nous montre de Nerf, là, il est rose. Fait que, gars, moi, je trouve que pour les enfants, OK, c'est très bon, les kits Nerf. Et ajouter ces petits pistolets. À ce temps, il y a des guns, il y a des mitraillettes, il y a des lunettes, il y a tout le kit. Un attirail complètement qui va, bien sûr, satisfaire vos plus jeunes. Ça, c'est sûr. Et on dit plus jeunes, mais les Nerf là, sont employés dans les grandeurs nature, dans les événements zombies et puis tout ça. Puis ça, bien souvent, c'est des grands adultes là, hein, qui jouent à ça. Sinon, bien sûr, un classique des classiques, la maison Barbie. Hein, valeur sûre depuis combien d'années? Barbie devrait prendre sa revanche sur les Monster High. Je sais pas c'est quoi. Avec sa maison, sa tenue de Noël et son cheval. On a oublié la décapotable de Ken aussi, qu'elle a gagnée avec le dernier divorce, mais bon, ça, on n'en parle pas. La console Nintendo 3DS aussi, en numéro 6, qui devrait l'emporter. Encore cette année, ça fonctionne. Tout ce qui est Nintendo avec les enfants, c'est toujours gagnant. Sinon, la tablette Storio, c'est une tablette qui n'est pas réservée aux adultes. Hein. La preuve de son succès en 2013, la Storio spécialement adaptée pour les plus jeunes devrait encore faire plus fort cette année et se retrouver sous beaucoup, beaucoup de sapins. Sinon, La poupée Reine des neiges. Hey, ça, c'était-tu plate, ce film-là? C'était extraordinairement plate. Pour vrai, ça se peut pas. Moi, j'aime ça écouter des films d'animation avec mes enfants. Mais sérieux, si on enlevait les chansons du film La Reine des neiges, je pense qu'il durerait 10 minutes. Pour vrai, il n'y a rien qui se passe. Il y a juste un personnage qui est un genre de bonhomme de neige qui est un peu ridicule, un peu niaiseux. Et puis, il y a juste lui qu'on aime et qu'on a juste le goût. On devrait faire un film juste avec lui, un genre de side project. Sinon, bien sûr, les Playmobil, autant que les Lego, hein, ça marche toujours. Cette marque allemande a connu plusieurs générations de bambins et ne compte pas s'arrêter là. Cette année, c'est son centre commercial qui devrait faire un carton auprès des plus jeunes. Donc, Playmobil, c'est pour ceux qui aiment les Lego, mais qui sont trop lâches parce que tout est à peu près déjà fait d'avance. La guitare Violetta. Ouh, ça fait peur, ça fait mal. Le phénomène Violetta envahit les rayons de jouets pour ce Noël 2014. Premièrement, je ne sais pas c'est qui, mais c'est peut-être normal parce que c'est une star pour les fillettes de 8 à 12 ans. Une chance que je ne connais pas quand même Violetta. J'aurais peut-être honte de mes goûts musicaux. Donc, elle débarque avec une quantité de produits dérivés, dont une guitare Violetta, qui doit avoir un son exceptionnel, juste avoir la conception. Sinon, le coffret Lego Star Wars. Ben là, c'est sûr que ça, c'est dans les souhaits des enfants pour Noël. Ça figure bien sûr en haut du podium. En plus d'avoir Star Wars, eh bien, t'as Lego. Fait que là, c'est sûr que t'es gagnant. Si vous avez un filleul, quelqu'un, un enfant, c'est sûr que du Lego, en partant, vous allez être gagnant. Puis en plus, si c'est Star Wars, yes sir. C'était le petit top des cadeaux à se dépêcher, à aller chercher, parce que chez Walmart, il n'aura plus. C'est ça, gars. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Maintenant, c'est le moment d'accueillir un de nos chroniqueurs, je dirais, préférés. Je dirais, au moins dans le top. Je pense qu'on est rendu à quoi, 15 à peu près. C'est Laurent Constantin, voici Déchiffrons le campus. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante! Tu vas bien? Oui, ça va bien toi? Oui, très bien aussi, malgré tout, hein, malgré les problèmes divers que tout le monde a à se rendre jusqu'au studio. C'est hein? Ça, des bancs de neige, il faut courir, il faut sauter, il faut faire des courses à obstacles pour se rendre au studio, c'est fou! Ça n'a pas l'allure, on est éloigné de toute la civilisation, nous, en plein milieu du campus comme ça, il y a tellement d'obstacles, ça va l'allure. Donc, Laurent Constantin, tu parles de l'actualité du campus, ça s'appelle les chiffons campus, donc j'espère bien que ton sujet rapporte un peu avec le c'est campus. C'est bien ça, premièrement, je voudrais te remercier de l'honneur que tu me fais d'être dans ton top 15. Ah, ça me fait du plaisir. C'est vraiment mérité. Oui, mais est-ce que c'est top 15 de tous les temps ou de cette année? Attends un peu, qu'est-ce que 15 chroniqueurs être dans le top 15. Ouh! Mais c'est parce que je veux être fin avec tout le monde. Je veux pas. Je commence à dire que t'es dans le top de peu importe. Là, ça va faire comme choisir son enfant préféré. T'es tellement têteux. Ouais, mais là, Steph, c'est ce que je dise. On t'aime bien, c'est ça que ça veut dire. On vous aime tous égal. Ben merci. Mais surtout toi. L'amour communiste. T'es particulièrement égal. Oui, c'est ça, communiste. Bon. Donc, de quoi on parle? Aujourd'hui, que sera sera? Aurons-nous un Seras à l'UQTR? Ouais, donc, pas mal, toi, c'est ça? Est-ce que notre université sera belle avec un bel amphithéâtre? C'est ça la question. Aha! Est-ce que, spoiler alert, on a vu passer que ce serait peut-être plus le cas, c'est ça? Ça sera peut-être plus le cas, en effet. Colin. Comme un pull de Noël. Petit rappel, qu'est-ce que le CERAS? Oui. Vous rappelez-vous, c'est quoi le CERAS? Ben, je pourrais pas te dire le... Le centre, hein? Le conseil, le comité. D'études, non, centre, hein? D'études. D'études d'enseignement, ou non? C'est un E. Ah, j'ai dû le rechercher aussi, d'études, là. De réanimation. Adolescente. Il manque un R. OK. Non, c'est ça. Centre. et rémunération, je sais plus. Je vais vous le dire. Okay. Centre d'excellence régionale, académique et sportif. Oh, mais ça marche pas, là. Excellence, c'est pas un E, là. C'est le CERAS. Faudrait que ce soit le CERAS. Le CERAS. Ouais. Puis à trois rivières, tu dis ça, le CERAS, ça passe en masse. CERAS. Non, faudrait dire Sraus, t'as bien raison, toi, viens. Faut fouiller un petit peu. Ouais. Ah, c'est là. Alors, ce CERAS, donc le Centre d'excellence régionale, académique et sportif, ça consistait en un amphithéâtre entre 1500 et 5000 places, selon les plans. Un centre d'expertise en sciences du sport, des laboratoires, des cliniques, des salles de cours, chaires de recherche. Et ce serait pas seulement pour les patriotes, genre le patriote hockey, là, mais aussi penserait... faire un beau terrain de football pour accueillir peut-être une équipe de football à l'UQTR, des tournois de hockey, tout plein de choses. Toute la patente à gosse pour être big dans le sport. Même des patentes à gosse? Des patentes à gosse. être plus gros que le complexe sportif Alphonse Desjardins. Là, j'avais simplement le CSAD. C'est quoi ça veut dire, le CSAD? Ah, c'est complexe sportif Alphonse Desjardins. Le Tchad? Le XAD. Le XAD. Le Tchad. Je pense que oui, puis un personnage dans les phrases. Alors oui, je vous ai déjà parlé du CERAS. Je vous ai déjà aussi parlé de l'élément déclencheur, c'est-à-dire des compressions budgétaires. Mais maintenant, je vais un peu mélanger tout ça. Et ça, ce mélange-là, ça donne l'intersyndicale des personnels de l'UQTR, donc l'IPQ... Excusez-moi. L'IPUQTR, donc c'est... qui est comme Ça peut être un mélange, là, une amitié entre le syndicat des professeurs, celui des chargés de cours, des employés de soutien, du personnel professionnel et même de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Donc tous ces syndicats-là et associations étudiantes qui convergent dans une seule lettre, dans un seul message, c'est-à-dire remettre en question la pertinence du CERAS. Wow. Remettre en question la pertinence du CERAS dans un petit procès, là. Dans, si on peut dire, un contexte de compression budgétaire. D'austérité, ça veut dire. D'austérité. Mais on peut pas dire que l'UQTR souffre d'austérité, mais à cause des compressions de l'austérité du gouvernement libéral, et bien, c'est ça, on remet en question. Ouais. Et dans la lettre, il est aussi écrit que peut-être que si l'UQTR continue à aller de l'avant avec ce projet-là, les syndicats consulteraient leurs membres sur la pertinence d'un tel projet. Donc oui, j'ai parlé de compression budgétaire. Nadia Ghazali, cet automne, au début de l'automne, avait même évoqué le fait de réouvrir des conventions collectives de chacun des membres du personnel pour essayer de renégocier peut-être à la baisse ou revoir qu'est-ce qui est possible de faire. On a vu certains services de l'UQTR qui étaient gratuits, qui sont maintenant payants ou qui ont tout simplement été réduits. Donc, on se rappelle, le service aux étudiants a réduit ses effectifs. Donc, autant au niveau de l'orientation professionnelle et scolaire et aussi au niveau de l'aide en psychologie. Et aussi, on se rappelle aussi... l'aide, l'impression, tout le prêt de bibliothèque, toutes ces choses-là depuis une ou deux ans qui ne sont plus gratuites, mais ce sont des services payants. On peut inclure ça, la montée des FIO, les frais institutionnels obligatoires, et ça fait un beau cocktail de pourquoi vous coupez autant, pourquoi vous augmentez les coûts et qu'en plus vous voulez construire un bel amphithéâtre sur notre dos. C'est ça, c'est pas parce qu'il est spacieux qu'il faut... voilà. Faut construire quelque chose dessus. Hein? Madame Ghazali un peu répliqué à ça en disant qu'il est tout à fait légitime que la communauté universitaire se questionne sur la faisabilité de projets d'aussi grande envergure en période de compression budgétaire imposée par le gouvernement aux universités québécoises. Les démarches dans le dossier du CERAS continueront de se faire avec la participation de la communauté universitaire dans le respect de ses moyens financiers et de sa mission première, soit l'enseignement et la recherche. Donc oui, c'est certain que Madame Nadia Ghazali essaie de passer un petit peu le CERAS en n'étant pas simplement un gros amphithéâtre qui va amener de la visibilité à l'UQTR, du bon hockey sur le campus, mais étant quelque chose pour la recherche dans le milieu du sport, quelque chose d'ancré vraiment dans le milieu universitaire. Donc c'est sûr, il y a cette couverture-là. Et on était aidé aussi par une subvention du gouvernement provincial de 26,8 millions de dollars, ce qui aide beaucoup. Actuellement, bon, ce qu'on dit, c'est que on continue avec la décision du 9 juin dernier que le conseil d'administration est autorisé à présenter un modèle d'affaires pour la mise en œuvre du CERATS et que tout ça, ça va être conditionnel à une réponse favorable du conseil municipal de la ville de Trois-Rivières parce que cette subvention-là de 26,8 millions, elle n'est pas à l'UQTR. Okay. Elle est au conseil municipal, donc c'est un peu Monsieur Lévesque, Yves Lévesque, le maire et le conseil municipal qui a le dernier mot. Donc, est-ce qu'on fait un amphithéâtre sur le campus de l'UQTR ou est-ce qu'on le fait ailleurs? À la base, on se rappelle, c'était justement au CSRD, donc notre complexe sportif Alphonse Desjardins, qu'on était censé le faire, mais la commission scolaire Chemin du Roi n'ayant peut-être pas assez les reins solides pour construire ça, on pensait... on évoquait d'autres choix, dont l'UQTR ou le fameux District 55, ben oui. Qui n'existe encore que sur papier. Et que sur chantier. Que sur chantier, ouais, j'ai pas vu vraiment de chantier, peut-être des belles affiches de « Nous allons peut-être vendre bientôt des condos ». Donc, c'est conditionnel. Et aussi, bon, on a décidé de prendre une décision finale en janvier, donc après les fêtes, on va attendre les fêtes, on va calmer le jeu. Le jeu de cartes, parce que ce rare, hein, on sait qu'il y a ce rare, ce dame, ce valet, ce trèfle, ce carreau. C'est rare, as. C'est rare. Oui, je sais, mais okay. Je sais plus comment réagir aux blagues de Mathieu, si je dois les ignorer ou t'apprends. Les rires de façon très jaune. Non, quand ils sont mauvais, tu peux juste continuer. c'est ce qu'on moi, fait c'est souvent. Ça que je fais, là. Ouais, je m'entorche. Donc, l'UQTR, oui, est toujours intéressé à réaliser ce projet et veut aller de l'avant. Mais nécessairement, le Colisée, le CERAS, n'est pas la priorité. Jean-Denis Girard, le député de Trois-Rivières, qui est aussi le ministre de la région de la Mauricie, affirme que la subvention du provincial ne restera pas là éternellement, qu'il faut prendre une décision qui reste peu de temps pour prendre des décisions. Faut la prendre la décision. C'est sûr que si cette subvention-là, il arrive la même chose à cette subvention-là qu'à celle du fameux théâtre Le Diamant à Québec, le projet de Robert Lepage qui était censé avoir une subvention de 30 millions de dollars environ et qui finalement a un gros zéro, eh bien c'est sûr qu'il n'y aura jamais d'amphithéâtre à Trois-Rivières. Donc il faut voir, est-ce que cette subvention-là existe encore réellement? Ça fait déjà plusieurs années qu'on évoque cette subvention-là de 26,8 millions de dollars. Si je me souviens bien, c'était même sous le gouvernement Charest qu'on l'avait promis. Donc, c'est sûr, le président du conseil d'administration, M. Yves Tousignan, trouve que la lettre de l'intersyndicale... Je ne connaissais pas l'existence de l'intersyndicale avant, il y a quelques jours, avant qu'on annonce justement cette fameuse lettre-là. Elle dit que cette lettre-là a beaucoup de poids et qu'on va mettre un frein peut-être au projet. On va remettre en question ce projet du CERAS. Parce qu'en effet, en contexte de compression budgétaire, on ne peut pas dire qu'un bel amphithéâtre va coûter des millions et des millions de dollars puisse être la priorité. On va peut-être penser aux étudiants, peut-être penser aux travailleurs qui sont sur le campus. D'ailleurs, l'UQTR a coupé dans les derniers jours quelques postes, dans les employés de soutien surtout. Donc, avant de créer des nouvelles structures, est-ce qu'on peut au moins maintenir l'état actuel de nos emplois, de nos structures, de nos institutions et de l'accessibilité de nos services à l'UQTR? Donc, c'est surtout ça... auquel le conseil d'administration va devoir réfléchir. Donc, peut-être garder le CERAS en idée, mais peut-être pas en faire une priorité. Se demander si CERAS c'est une bonne idée. CERAS c'est une bonne idée. CERAS c'est une bonne idée ou CERAS pas une bonne idée? C'est ça. CERAS, CERAS pas, on sait pas. Hein? Mais pour l'instant, on va devoir s'en tenir à ça et on le verra plus tard. Hein? Oui, le conseil d'administration nous dit un petit peu un joyeux Noël. On se revoit en janvier, on ferme. Mais c'est ça, on veut pas gâcher le Noël de personne. Ben non. Mais non. La magie et tout. T'sais, ça arrive bien qu'une fois par année. Si on demandait un amphithéâtre pour Noël, j'ai été sage cette année. Je suis pas sûr que le Père Noël, ça rentre dans sa poche. Elle est grosse, sa poche. Pas tant que ça. C'était franchement. Laurent Constantin, on te remercie et on te retrouve en janvier. Ah non, t'es à la télé la semaine prochaine ou pas? Oui, jeudi prochain. Oui, je vais être là jeudi prochain. OK, good, merci. Bien. Génial. Un survivant. Ça en fait un. Et de un. Merci, Laurent Constantin. Déchiffrons le campus les jeudis à 7h30. Si on veut pas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ces deux randonneurs qui s'y étaient en balade dans une chaîne de montagne des Tantras, Tantras, c'est plutôt sexe, en Slovaquie, et ont ramené de leur promenade des images tout à fait saisissantes. On dirait qu'ils marchent sur l'eau. Ces deux randonneurs donc ont filmé leur périple en Slovaquie dans la chaîne montagneuse de Tatras et ont rapporté des images hallucinantes. L'eau de ce lac de montagne est si pure que sa cristallisation due au froid n'est pas visible, ce qui donne l'illusion réellement que le promeneur qui filme ses pieds marche sur l'eau à l'état liquide. Les Tatras forment une chaîne de montagnes à cheval entre la Pologne et la Slovaquie. On y trouve le plus haut de la chaîne des Carpates. Vous irez voir la vidéo, bien sympathique et totalement inutile. On va aller ici dans quelque chose d'un petit peu plus utile, mais mettons pas tant, là, c'est pas utile pour la vie, mais bon, pour la connaissance générale, on rentre ici dans un segment d'éphéméride. C'est arrivé un 11 décembre. 11 décembre 1967. Le prototype du premier avion supersonique franco-britannique, le Concorde 001, est dévoilé devant un parterre de ministres à Toulouse-Blagnac. Son premier vol aura lieu 14 mois plus tard. Donc, c'était la naissance du beau Concorde, un superbe avion. 11 décembre 2003, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est élu à l'Académie française au fauteuil laissé vacant par Léopold Sédard. Il a été élu au premier tour avec 19 voix sur 34 votants. 11 décembre 1972, les astronautes américains de la mission Apollo 17, Eugene Cernan et Harrison Schmitz, se posent sur la Lune. Ils restent 3 jours sur place, effectuant ainsi le plus long séjour jamais réalisé. Ce sera la dernière mission habitée sur la Lune. Toujours un 11 décembre. 11 décembre 1946, l'ONU crée le Fonds des Nations Unies pour l'enfance baptisé UNICEF. Son premier rôle consiste à secourir les enfants dans le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle de l'UNICEF, hein? On avait tous nos petites banques de l'UNICEF à l'Halloween. Sinon, toujours un 11 décembre 1936, sur le trône depuis le 20 janvier, Édouard VIII d'Angleterre abdique afin de poursuivre son idylle avec une roturière américaine divorcée à 2 reprises, Wallis Simpson. Son frère, George VI, lui succède. Lui a décidé, il a choisi le sexe au lieu que la royauté, hein? 11 décembre 1931, le statut de Westminster est entériné. Il reconnaît l'indépendance du Canada, de Terre-Neuve, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. C'est la naissance du Commonwealth. Donc, un 11 décembre 1931, la naissance du Commonwealth. Toujours un 11 décembre, eh bien, en 1851, 9 jours après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, son opposant, Victor Hugo se résout à prendre le chemin de l'exil, d'abord en Belgique, puis Jersey et enfin Guernsey, jusqu'en 1870. 11 décembre 1844, le dentiste américain William Morton extrait une dent saine sur un cobaye, Horace Wells, en utilisant pour la première fois des produits anesthésiants. Ses pairs n'y croient pas, il se reconvertit en vendeur ambulant de canaris. Donc, les gens, non, ils croyaient pas, hein? Mais il l'a fait. Donc, il arrache la première dent, on pourrait dire. 11 décembre 1686, mort de Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé. Prince de sang et cousin de Louis XIV, il remporte plusieurs victoires militaires, mais surtout prend la tête de la fronde des princes en 1651. Il s'en est passé des affaires, hein? Et le 11 décembre 1582, il ne s'est strictement rien passé ce jour-là en France, et pour cause, ce jour n'a jamais existé. La France est passée au calendrier julien, du calendrier julien au calendrier grégorien, en passant une nuit du 20 pardon, là je recommence là. Donc ce jour-là, le 11 décembre 1582, n'a jamais existé. La France est passée du calendrier julien au calendrier grégorien, passant en une nuit du 9 au 20 décembre. Hein? Assez particulier donc, il s'est vraiment rien passé, on peut le dire comme ça. Et maintenant, je vous envoie les 5 personnalités qui ont fait 2014 en 5e position. Eh bien oui, je vous envoie comme ça du 10 novembre au 1er décembre. Les internautes ont été appelés par Europe 1 à se prononcer sur la personnalité qui a fait 2014. Donc, des sportifs aux économistes, en passant par les chefs d'État ou le monde de la culture. La rédaction de la station de radio avait sélectionné 25 noms susceptibles de succéder à l'ancien lauréat de l'an dernier, qui était le pape François, organisé en partenariat avec le site Internet Direct Matin. Ce vote a réuni quelques 10 000 participants. Donc, en 5e position de ces personnalités dans le monde de la francophonie qui ont fait 2014, eh bien, en numéro 5, Vladimir Poutine. Une des images fortes restera la présence de Vladimir Poutine aux commémorations du débarquement en juin à Ouistreham. Entouré de François Hollande ou de Barack Obama, le président russe a joué de la diplomatie alors que la crise ukrainienne battait son plein. Il a encore une fois montré sa ténacité à tenir tête à l'Occident sur ce dossier brûlant. Quelques mois auparavant, en février, il était déjà au centre des attentions avec l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, les plus chers jamais réalisés. Sinon, en 4e position, ben là, c'est là. Hein? Soyez fiers, mes amis, soyez fiers. Eh bien, en 4e position, des personnalités qui ont fait l'année, eh bien, je vous le donne en mille, c'est Xavier Dolan. Eh bien oui, difficile d'y échapper cette année. Xavier Dolan a électrisé le 7e art et le public français. Son 5e film, Mommy, a beau avoir raté la Palme d'Or à Cannes, le Québécois est sorti vainqueur du festival. Au-delà de son œuvre saluée par la critique, c'est avec son discours de remerciement que le cinéaste a marqué les esprits. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, avait-il scandé, lui qui, à 25 ans, n'a jamais cessé de suivre ce mot d'ordre. Il faut croire que cela marche, hein, car Mommy, qui est sorti en octobre, a déjà dépassé le million d'entrées. Félicitations à Xavier Dolan. Vraiment, bravo. Sinon, les autres personnalités, je les connais pas tous. On y va ici avec Renaud Lavillenie. Toujours plus haut, l'année 2014 restera comme l'une des plus exceptionnelles pour Renaud Lavillenie. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est aux Mondiaux du Jeu olympique. Le perchiste français âgé de 28 ans en a profité pour montrer qu'il était le patron de sa discipline. Donc, le 15 février, à Dosnek, en Ukraine, il a battu le record du monde, 6,16 mètres, détenu depuis 21 ans par Sergei Bouba, et a été couronné l'athlète de l'année le 21 novembre. Une première pour un Français. Génial! Sinon, autre personnalité qui a fait 2014, et là c'est vraiment en France, c'est Marine Le Pen. Sa réélection à la tête du Front National avec 100% des voix est venue couronner une année de succès pour Marine Le Pen. Le parti frontiste a en effet raflé une douzaine de mairies lors des municipales avant d'arriver en tête aux européennes, un score qui lui a permis de présenter sa formation comme le premier parti de France, appelant à dissoudre l'Assemblée et à organiser un scrutin proportionnel. Si cette revendication n'a pas eu d'effet, les frontistes ont néanmoins renforcé leur présence au sein du pouvoir législatif en envoyant pour la première fois 2 représentants au palais du Luxembourg au sénatorial en septembre. Et finalement, la première personnalité de l'année, eh bien, c'est... Et je la connais pas, désolé, je suis vraiment... je me sens un peu inculte. C'est Malala Yousafzai, ou Yousafzai. En tout cas, elle incarne la résistance à l'intégrisme religieux. À 17 ans seulement, la Pakistanaise Malala Yousafzai est devenue en octobre dernier la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, une distinction qui récompense son engagement en faveur du droit à l'éducation des filles. Ce combat, elle l'a d'abord mené à titre personnel à partir de 2009 via son blog, sur lequel elle raconte sa vie sous l'emprise des talibans qui ont pris le contrôle de la vallée de Swat où elle habite. Bien, c'est en 2012 que son destin bascule alors qu'elle revient de son école. Des extrémistes attaquent son minibus scolaire et lui tirent une balle dans la tête. Évacuée en Angleterre, Malala survit après 6 jours de coma, suscitant une émotion mondiale. Après son réveil, eh bien, elle prononce un discours à la tribune de l'ONU qui marque les esprits. Les talibans voulaient nous réduire au silence, mais ils ont échoué, lance la jeune fille. Malala, désormais, est exilée en Angleterre et ne fait pas l'unanimité au Pakistan. Une fédération d'écoles privées pakistanaises a ainsi lancé récemment une journée anti-Malala, lui reprochant de critiquer l'idéologie de son pays. Son combat est loin d'être terminé. Eh bien, ils ont vraiment bien choisi et à partir d'aujourd'hui, je me souviendrai toujours de cette jeune femme, Malala Yousafzai. On voit Yousafzai, je sais pas, désolé. C'est Yousafzai. Donc, Yousafzai. C'est ce que je pense. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.